Le système a fait de toi un humain robotisé. Tu titubes le samedi soir, c'est ta manière d'encaisser. Tu fais la fête mais tu ne sais plus vraiment sur quel pied danser. En vrai t'oublies même que c'est l'alcool qui t'a ambiancé. La BR et les gros boules t'ont trop fait tourner la tête. Tu te sens seul quand y'a du monde, c'est les stigmates de la tête. Tu lâches rien, t'es un battant, tu ne mens pas à toi-même. Tu fais de la merde quand t'es bourré ou sur le trône des toilettes. Pour toi les bails c'est de faire des sous, changer de planète. Être honnête, éviter le parquet, tu ne parles pas de basket. Toujours la tête haute, ta tête au chant, mélodie ambiancée. Pour toi une vie sans musique, non, vaut mieux pas y penser. Alors tu te perds dans tes rêves, tu vois les choses en grand. Tu t'en fous des gens, ce qui compte c'est faire de l'argent. Tu veux braquer ta chance, t'as un sixième sens. T'es prêt à croquer le monde avec impatience. Le système a fait de toi un humain robotisé. Tu titubes le samedi soir, c'est ta manière d'encaisser. Tu fais la fête mais tu ne sais plus vraiment sur quel pied danser. En vrai t'oublies même que c'est l'alcool qui t'a ambiancé. T'es prêt à tout pour ta famille, ouais pour toi c'est la base. Mais pour l'instant t'es trop bourré pour déclarer ta flamme. T'as des qualités, en vérité tu ne te rends pas compte. T'as les épaules assez larges pour devenir patron. Alors tu te noies dans le sky, là où mon frère t'a papier. Tu te dis que de toute façon ça ne peut pas être pire. Tu veux bâtir un empire, mais pour l'instant t'as la flemme. Aux yeux des meufs t'as la cote, mais en vrai tu fais de la peine. T'aimes la vérité, pour le système t'es cancérigène. Pour toi un revécu sec c'est une bouffée d'oxygène. Tu fais partie des humains à faible espérance de vie. Plus tu prends conscience et plus tu vieillis. Le système a fait de toi un humain robotisé. Tu titubes le samedi soir, c'est ta manière d'encaisser. Tu fais la fête mais tu ne sais plus vraiment sur quel pied danser. En vrai t'oublies même que c'est l'alcool qui t'a ambiancé. Le système a fait de toi un humain robotisé. Tu titubes le samedi soir, c'est ta manière d'encaisser. Tu fais la fête mais tu ne sais plus vraiment sur quel pied danser. En vrai t'oublies même que c'est l'alcool qui t'a ambiancé. Le système a fait de toi un humain robotisé.